Chapitre 2. Comment Jean retrouva sa belle inconnue. Jacques Michu était un magnifique vieillard de 70 ans, à qui l'on n'en aurait pas donné plus de 60, tant il portait allègrement son âge. Grand, fort, bien proportionné, sans que l'embonpoint eût jamais envahi sa charpente osseuse, il ne savait pas ce que c'était que la fatigue et ne connaissait que de nom la maladie. Il était né à Lodève en 1653, d'une robuste famille de paysans dont il avait gardé dans toute sa pureté le type et la vigueur. Quoique déjà fort âgé, ses cheveux grisonnaient à peine. Si son visage était sillonné de quelques rides, ses yeux noirs et d'une extraordinaire vivacité semblaient avoir conservé tout l'éclat de la jeunesse. Il habitait au coin de la rue Saint-Paul et du quai un magnifique hôtel tout récemment bâti par la famille de Gèvres qu'entourait un vaste jardin et qu'il avait acheté 7 ans auparavant dans des circonstances que nous raconterons plus tard. Il avait acquis, toute meublée, cette somptueuse demeure pour un prix exceptionnellement avantageux, avec la seule pensée d'abord de faire un bon placement. Puis, en 1721, il y avait donc 2 ans à peine, il était venu s'y établir avec son fils après avoir décidément renoncé aux affaires. Il était assis dans un grand cabinet du rez-de-chaussée, tendu d'étoffes sombres, mais bien éclairé par les hautes fenêtres qui s'ouvraient sur le jardin. Quand il vit entrer son fils, il se leva et courut avec empressement à sa rencontre. Ses traits, tout à l'heure péniblement contractés, s'épanouirent aussitôt et ses lèvres se détendirent en un large sourire. On voyait qu'il aimait cet enfant à l'adoration, qu'il était fier de sa beauté, de son élégance, qu'il ne vivait en homme que par lui et pour lui. Or, le pauvre homme n'avait pas été sans s'apercevoir lui aussi que Jean était triste, qu'il délaissait le ministère, qu'un chagrin secret le rongeait, dont il ne connaissait pas la cause. Il s'inquiétait de cette mélancolie persistante, de cette vie trop calme, de cette lassitude précoce chez un jeune homme de 25 ans. Il aurait souhaité lui voir mener grand train, commettre des folies même. N'était-il pas assez riche pour les payer? Que venait faire Jean chez lui? Allait-il lui conter ses peines, lui apprendre enfin de quel mal il était atteint? Eh, mon Dieu, il n'avait qu'à parler, le cher enfant. Tout ce que l'argent pouvait procurer, Michaud ne demandait qu'à le lui donner. Aussi, toute la bonté paternelle dont son cœur débordait, toute la tendresse dont il était pénétré, se reflétèrent sur son visage quand il prit la main de Jean et le força doucement à s'asseoir auprès de lui. « Eh bien, mon cher enfant, lui demanda-t-il de sa voix la plus caressante, serais-je assez heureux pour t'être utile à quelque chose ?»« Peut-être, répondit Jean. Vous allez en juger, mon père, car en vérité, je ne sais plus trop ce que je fais moi-même. Que veux-tu dire ? Fit le brave homme avec intérêt. « Je veux dire, mon père, que je suis un ingrat. Qu'au lieu de reconnaître les bontés dont vous m'avez comblé depuis ma plus tendre enfance, et depuis surtout que la fortune vous a si largement souri, je me bats vainement les flancs pour me frayer un chemin dans la carrière que vous m'avez ouverte. Oui, j'ai beau me raisonner, m'atteler à la besogne avec toute la volonté dont je suis capable, les chiffres devant lesquels je pâlis s'effacent, ne sont plus qu'un chaos confus et finissent par danser sous mes yeux une ronde fantastique au milieu de laquelle il m'est impossible de les suivre. « Eh, que ne le disais-tu plus tôt, mon cher enfant ? » s'écria Michaud. « Je t'aurais délivré de ce supplice. » « Bien des fois, j'ai eu cet aveu sur les lèvres, » confessa Jean. « Mais précisément à cause de votre excessive indulgence, je n'ai jamais osé vous le dire. Vous-même étant, et j'ai pour vous, moi aussi, tant d'attachement et de reconnaissance que je craignais de vous causer un grand chagrin, ou tout au moins un désappointement cruel. » Or, comme c'est ce que je voudrais éviter par-dessus tout. Dis-moi donc, interrompit Michaud, crois-tu qu'en te poussant dans les finances, je veuille te condamner à un bagne éternel? Non, mon cher enfant, je veux ton bonheur avant tout. Les finances te déplaisent. Laissons les finances. Comment? C'était cela qui te rendait si triste et tu ne m'en disais rien? Tu t'imaginais donc que je n'avais pas deviné tes souffrances? Mais si, mon pauvre Jean, mon cœur est le reflet du tien. Il ne vit que de tes joies et de tes douleurs. Qui donc ai-je à aimer sur cette terre, si ce n'est toi? Et à quel sacrifice n'est-on pas disposé pour qu'il en aime? Allons, parle, que veux-tu? Tu sais que ce n'est pas l'argent qui nous manque. Certes, vous me l'avez dit assez souvent. Et tu n'en as malheureusement pas abusé, répliqua Michaud. Pourquoi? Cet argent n'a-t-il pas été loyalement gagné? Ne t'ai-je pas suffisamment édifié sur l'origine de notre invraisemblable fortune? Ne croyez pas cela, père. Je n'ai à cet égard aucune arrière-pensée. Personne d'ailleurs ne vous accuse, même parmi ceux qui vous jalousent. Alors fais donc sauter les écus de ton père, mon garçon. Je n'ai plus de dents pour les croquer. Montre-moi la longueur des tiennes une bonne fois. Eh bien, je vais vous la montrer, dit Jean, gagné par cette affectueuse bonhomie. Mais cela n'ira pas tout seul, je vous en avertis. S'agit-il donc d'une chose qu'on ne puisse pas acheter ? Demanda Michaud, dont le front se rembrunit. Au contraire, il s'agit de réaliser le désir insurmontable dont je suis possédé, et pour cela il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Alors c'est fait, promit Michaud. Oh, n'allez pas si vite, mon père, l'arrêta Jean, car ce désir dont je suis dévoré est en opposition flagrante, je le crains fort, avec les vues du cardinal Fleury et avec les vôtres. Diable, dit Michaud, qu'est-ce donc ? Je voudrais ne pas mener indéfiniment la vie de mollusque à laquelle je semble condamné, répondit Jean. Je voudrais être utile à mon pays, me relever à mes propres yeux. Enfin, puisque la carrière des finances m'est à jamais fermée, en raison de la répugnance qu'elle m'inspire, je voudrais entrer dans celle des armes, pour laquelle je me sens depuis longtemps une irrésistible vocation. Ah, tu veux être soldat ? Balbutia le tailleur, consterné. Absolument, oui, mon père. Or, il y a deux façons de l'être. L'une qui consiste à acheter une compagnie et plus tard un régiment, l'autre, beaucoup plus simple et moins coûteuse, qui consiste à s'engager tout bonnement dans les troupes de Sa Majesté. Simple soldat, toi ? Se récria Michaud. Allons donc, tu n'y penses pas ? J'y pense, mais je n'y tiens pas. Discutons ensemble, si vous le voulez bien, les deux moyens que je vous indique, car je tiens à vous prouver qu'avant de faire cette démarche auprès de vous, j'ai longuement prévu les difficultés qu'elle soulèvera. « Voyons, » fit le vieillard avec une nuance d'inquiétude. « D'abord, » commença Jean, « je ne vois pas la nécessité de communiquer d'avance nos projets au cardinal, qui les désapprouverait probablement et nous empêcherait de les mettre à exécution. « Comment donc faut-il s'y prendre, à ton avis ?»« Ce n'est pas vous faire injure, mon cher père, » poursuivit Jean, « que d'avancer que l'obscurité de notre nom est le plus grand obstacle à la réalisation de mes désirs. « Déjà, j'ai eu beaucoup de mal, vous le savez. » à me maintenir parmi les pages de notre jeune roi. Que sera si je vais porter l'épaulette d'officier ? Telles sont bien, n'est-ce pas, les raisons qui vous ont déterminé à me lancer dans les finances ? Oui, ce sont du moins celles que le cardinal m'a données, avoua Michaud. Eh bien, c'est ce point d'interrogation qu'il faut élucider, continua Jean. Adressez-vous au colonel du plus obscur régiment de cavalerie que vous rencontrerez. Demandez-lui s'il consentirait à me vendre une compagnie. Et avant de prendre aucun engagement envers lui, priez-le de consulter son corps d'officier pour savoir s'il m'admettrait sans difficulté dans leur rang. Il est probable que leur réponse ne me sera pas favorable. Cependant, c'est une épreuve qu'il est sage de tenter avant de recourir au second moyen. T'engager comme simple cavalier ? Jamais ! Protesta Michaud. Puis, se ravisant aussitôt, attends donc. Mais j'en connais un colonel de cavalerie. Il est couvert de dettes. Avant-hier encore, il est venu ici pour me prier de lui prêter 200 000 livres. Et vous les lui avez données ? Pas encore. Mais puisque, malgré notre obscurité, il paraît que nous sommes bons à quelque chose, peut-être y aura-t-il moyen... Agissez comme bon vous semblera, mon père, interrompit Jean. Mais qu'il soit bien entendu, avant tout, si vous achetez une compagnie, que ce sera du consentement de tout le corps d'officiers. Sois tranquille. Je n'ai pas envie de te faire tuer par ces sacripants, se défendit Michaud. « Promets-moi seulement que si j'échoue, tu ne t'engageras pas. »« Au contraire, mon père. »« C'est à quoi je suis irrévocablement décidé, » répondit Jean. « Mais ne vous effrayez pas. Maintenant que j'ai pris cette résolution, je sens en moi une force qui me dit que je ne m'arrêterai pas en si bon chemin. »« Allons, » fit le bonhomme d'un ton résigné, « puisque tu le veux absolument, je vais m'occuper de cette affaire. »« C'est cela. Et quoi qu'il en résulte, merci d'avance, cher père. » car je suis bien certain que vous ferez l'impossible pour me satisfaire. » Jean, à ces mots, lui serra tendrement la main et regagna son appartement. Il se sentait tout autre depuis qu'il avait adopté ce parti viril et répudié sa fatigante oisiveté. Après son dîner, il sortit et se fit conduire au cours La Reine. Le temps était si admirablement beau qu'il mit pied à terre et se confondit bientôt dans la foule des gentilshommes qui encombraient les avenues verdoyantes. Tout à coup, il tressaillit. Devant lui, marchant à sa rencontre, s'avançaient trois dames, élégamment mises, mais portant des toilettes simples et du meilleur goût. L'une, plus âgée, vêtue de couleur sombre, Les deux autres, brunes et blondes, jeunes, fraîches, habillées de couleurs plus tendres, et également jolies toutes deux, la mère et ses filles, très probablement. Or, la mère et la blonde, Jean les avait parfaitement reconnues. C'étaient les deux dames qu'il avait rencontrées à Versailles au mois de septembre dernier, celles qu'il avait préservées de l'averse diluvienne, à laquelle elles étaient exposées, qu'il avait accompagnées jusqu'au château, à la portière de sa chaise. En les voyant, son cœur avait bondi. Il s'était arrêté net, à la fois saisi d'admiration et de surprise. En le croisant, elles le reconnurent certainement aussi, car leur regard se fixa longuement sur lui. La jeune blonde murmura même à l'oreille de la brune quelques mots qui attirèrent son attention, car celle-ci, à son tour, leva les yeux sur Jean. Il hésita à les saluer, mais n'étant pas connu d'elle, il n'osa pas. D'ailleurs, tandis qu'ils se consultaient, elles étaient déjà passées. Brusquement, il fit volte-face et les suivit pour les revoir encore. Mais au moment où il venait de les rejoindre, il les vit monter dans un carrosse qui les attendait et disparaître aussitôt, pendant qu'ils demeuraient cloués au sol, immobiles et désappointés. Il lui sembla pourtant que la jolie blonde l'avait aperçu et remerciait timidement du regard. Était-ce une illusion ? Cette adorable jeune fille avait-elle, au contraire, gardé le souvenir du léger service qu'il lui avait rendu ? Dans les dispositions d'esprit où il se trouvait aujourd'hui, il n'en fallait pas tant à Jean pour exalter son imagination. Cette douce image qui se représentait sans cesse à sa pensée, il venait de la revoir, plus belle, plus vivante que jamais. Cet amour qui sommeillait au fond de son cœur et qu'il s'efforçait d'étouffer, se réveillait plus ardent, plus irrésistible. À quoi le conduirait-il ? À une profonde déception, sans doute. Mais que lui importait, pourvu qu'il aimât, qu'il vécût enfin des passions dont tout le monde vivait autour de lui ? Elle habitait donc Paris, cette charmante vision. Eh bien, il la reverrait, il la suivrait, il saurait qui elle était et peut-être se ferait aimer d'elle. Il rentra, complètement métamorphosé, débordant d'amour, de jeunesse, d'espérance. La nuit s'avançait. Jean, paresseusement étendu, se perdait dans la plus délicieuse rêverie quand la porte s'ouvrit brusquement et le jeune comte de Montbazin pénétra comme l'ouragan dans le boudoir. « Mon cher ami, lui dit-il d'une voix entrecoupée, il n'y a pas à s'y tromper cette fois, un grand danger nous menace, il faut que tu m'aides à le conjurer. » Jean se dressa subitement. « Que le diable te patafiole ! » s'écria-t-il. « Je faisais un si joli rêve. »« Un joli rêve, toi ? Parbleu, voilà du nouveau. »« Ah, c'est vrai, tu ne sais pas. Je l'ai rencontré aujourd'hui. »« Qui ? » demanda Julien ahuri. « Ma jolie blonde. »« Quelle blonde, celle de Versailles ?»« Justement. »« Ah, je savais bien que tu finirais par la rencontrer. »« Eh bien, tu lui as parlé ? Qui est-elle ? Où demeure-t-elle ? » Je serais fort embarrassé de te le dire, car non seulement je ne lui ai pas parlé, mais je ne l'ai même pas salué. Comment ? Tu en es encore là ? Et tu m'empêches de t'expliquer ce qui m'amène ? S'écria le jeune comte. Et ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas eu le temps. Elle est partie si vite, balbutia Jean. Alors va-t'en au diable à ton tour avec tes songes creux, et parlons d'affaires sérieuses, répliqua Julien avec impatience. Tu as raison, excuse-moi. Mais je ne me suis pas encore bien remis de cette secousse. Une secousse, cette rencontre. Que dirais-je donc, moi ? Crois-tu que je n'ai pas des choses bien autrement graves à te raconter ? Dit le cornette avec un dédaigneux mouvement d'épaule. Eh bien, parle, fit Jean, je suis tout oreille. Connais-tu de vue ou de nom un coquin que l'on a surnommé Barberousse ? Demanda Julien. Oui, j'ai rencontré parfois cette vilaine figure, répondit Jean. Et sais-tu au service de qui il est attaché ? On m'a dit qu'il était au service de Dubois, et qu'il s'acquittait pour lui de toutes les besognes dont un honnête homme ne voudrait pas se charger. Alors je n'ai rien à t'apprendre sur son compte, reprit le jeune officier. Mais que penserais-tu si tu voyais rôder ce drôle autour d'une maison habitée par trois femmes seules, qui n'ont ni père, ni mari, ni frère pour les défendre ? Je penserais que ce misérable médite quelque mauvais coup et que je me tiendrais sur mes gardes. En ce cas, mon cher, ne t'étonne pas de me voir si ému. Aujourd'hui, en allant chez Madame de Coissy pour lui rendre visite, j'ai aperçu ce Barberousse planté devant les fenêtres de son hôtel. Fort surpris et plus inquiet encore de la présence d'un pareil homme, je me suis dissimulé sous une porte cochère. Je l'ai surveillé et je l'ai vu étudier avec la plus grande attention les abords de l'hôtel. En même temps, il consultait un plan qu'il tenait à la main. comme pour se rendre bien compte du nombre des fenêtres et de la distribution des appartements. « Un plan ?» fit Jean étonné. « Mais qui le lui aurait fourni ?»« Du bois, parbleu. Ne t'ai-je pas dit ce matin que depuis un certain temps, il faisait à la baronne des visites presque quotidiennes ?»« Je m'en souviens parfaitement. » »« Donc il a pu facilement dresser un plan de l'hôtel et le remettre à ce misérable pour faciliter l'exécution du projet qu'il lui a confié. » En effet, si invraisemblable que cela paraisse, c'est possible, avoua Jean. De la part d'un monsieur tel que Dubois, on peut s'attendre à tout. Alors, qu'as-tu fait ? Voilà, dit Julien. Ce Barberousse n'était pas seul. Un de ses estafiers l'accompagnait. Au moment où ce coquin s'approchait pour recevoir sans doute les instructions de son maître et où il s'éloignait de quelques pas, je me suis faufilé chez la baronne. Je lui ai montré à travers les rideaux, Barberousse et son acolyte passant ensemble l'inspection de sa maison. Je lui expliquais le rôle que remplissaient auprès de Dubois ces sinistres personnages. Elle a compris aussitôt quelle sorte de danger la menaçait et a manifesté le désir de quitter Paris à l'instant même. Tu crois donc que Dubois oserait recourir à la violence pour enlever Valentine ? J'en suis certain. Et tu vois bien que toi-même, tu as eu la même idée que moi. Et la baronne a partagé tes craintes ? D'autant plus vivement que les assiduités de Dubois lui paraissaient aussi choquantes qu'extraordinaires. Ainsi elle part, quand ? Aujourd'hui ? Demain ? Demain, sans doute. Le temps de remplir une valise et de choisir l'endroit où elle se retirera. N'a-t-elle pas en province une propriété au fond de laquelle on puisse se cacher ? Non. À la mort de son mari, elle a tout vendu pour se fixer à Paris. Mais il n'est pas impossible de trouver dans un rayon de 10 ou 12 lieues une maisonnette. Sans doute, mais encore faudra-t-il avoir le temps de la chercher. Bah, nous la chercherons plus tard, dit le jeune cornette. Nous n'avons pas un instant à perdre. En attendant, j'ai promis à Madame de Coissy de l'accompagner et de me faire escorter par un de mes amis. Et cet ami, c'est moi, demanda Jean. Naturellement. Donc, occupe-toi de tes préparatifs de départ comme s'il y avait des orions à donner ou à recevoir, et demain, nous nous mettrons en route. Cela te va-t-il ? C'est-à-dire que tu ne pouvais rien me proposer qui me sourit davantage, répondit Jean. Pour peu qu'il y eût bataille, cela m'irait encore mieux. Puis, s'arrêtant tout à coup, « Mais j'y pense, et ma belle inconnue ?»« Bah, tu la retrouveras à ton retour. » »« Puisque tu as été 6 mois sans la revoir, tu peux bien patienter quelques jours encore. » »« C'est vrai. » dit Jean avec un gros soupir. Ainsi, c'est convenu, poursuivit Julien. Demain, dans la matinée, je viendrai t'apprendre ce que nous aurons décidé. Tu peux compter sur moi, promit Jean. Je le savais bien, fit Julien en se retirant. Merci et à demain. Ils échangèrent une poignée de main et se séparèrent. Jean était seul quand son valet de chambre vint lui annoncer que le souper était servi. Il se rendit chez son père. Il attendait pour se mettre à table. « Je me suis occupé de toi dans la journée, » lui dit Michaud. « Malheureusement, mon colonel est à la campagne et ne sera pas de retour avant 8 ou 10 jours. »« Cela se trouve à merveille, » répondit Jean. « Je vais moi-même faire une courte absence. »« Ah, tu vas quitter Paris ?»« Demain. »« Pour combien de temps ?»« Je ne sais pas au juste. Je pars avec le comte de Montbazin. Quand il reviendra, je reviendrai. »« Et où allez-vous ?» « Nous n'avons encore aucun but, » fit Jean avec indifférence. « Nous voulons prendre l'air. Peu importe l'endroit où le hasard nous conduira. »« Ce sera charmant, en effet. As-tu du moins tout ce qu'il te faut pour entreprendre ce petit voyage ?»« Tout n'est pas le mot, » dit Jean devenu pensif. « Avoir un point de repère quelconque ne nous serait pas désagréable. »« Ne m'avez-vous pas dit qu'il vous restait encore des propriétés dont vous n'aviez pas pu vous défaire ?»« C'est vrai. » J'en ai 2 sur les bras dont je suis fort embarrassé. Où sont-elles situées ? L'une, la Loge des Prés, est située aux Équerennes, à égale distance de Nangis et de Mormant. C'est un peu loin, trouva Jean. Et l'autre ? L'autre est un assez joli château situé à Neuville, au bord de l'Oise, sur la route de Conflans à Pontoise. À 6 ou 7 lieues d'ici, par conséquent ? Demanda Jean, très attentif. Oui, environ, répondit Michaud. « Et vous ne faites rien de ce château pour le moment ?»« Si, j'en paye l'entretien, » fit le tailleur avec un gros rire. « Alors, voulez-vous me le prêter ?»« Très volontiers. »« Ce qui est à moi n'est-il pas surtout à toi ? Merci, père. Maintenant, puis-je disposer de la chaise de poste qui est sous la remise ? Je le crois bien. Et des chevaux et du cocher ? Mais de tout ce que tu voudras, mon enfant. Ne te l'ai-je pas dit 100 fois ? Alors je prends tout, s'écria gaiement Jean. Et de l'argent, en as-tu ? Oui, je crois bien qu'il me reste 5 ou 6 000 livres. Ce n'est pas assez. Je te ferai porter 500 louis après souper. Est-ce tout ce dont tu as besoin ? Tout et même au-delà, mon père. Réellement, vous me gâtez par trop. Je l'espère bien, morbleu. Pour une fois que tu as un caprice, je suis trop heureux de le satisfaire. Va donc, et ne crains jamais d'être indiscret, mon cher enfant. Jean regagna son appartement après avoir longuement interrogé son père sur la situation et la topographie du château de Neuville, dans lequel il n'avait jamais mis les pieds. Quelques instants après, Michaud lui fit remettre les 500 louis qu'il lui avait promis. « Bravo !» pensa Jean. « Nous verrons si Julien a trouvé mieux. » Il s'endormit profondément, enchanté de la diversion que ce voyage allait apporter dans la monotonie de son existence. Le lendemain, à la première heure, le jeune officier se présenta. « Eh bien, lui demanda Jean, est-ce décidé ? Quand partons-nous ? Où allons-nous ? Tout est arrêté. La valise de ces dames est prête. Nous partons à 3 heures de l'après-midi et nous allons à Chantilly. Là, nous chercherons un asile. Voilà tout ce que vous avez imaginé, fit Jean avec un sourire ironique. Vous partez en plein jour, afin qu'on puisse vous suivre plus commodément, et vous vous arrêtez à Chantilly, pour qu'on ait le temps de vous y rejoindre. Eh bien, merci. Voilà une jolie façon d'échapper à Dubois et à Barberousse. Je le sais bien, mais que veux-tu faire ? N'es-tu pas d'avis qu'il faut quitter Paris au plus vite ? Sans doute, mais non pas d'une façon aussi maladroite. As-tu donc quelque moyen plus sûr à nous proposer ? Je m'en flatte. En ce cas, parle vite. Voici mon plan à moi, dit Jean. Nous partons ce soir à 9 heures, c'est-à-dire à la nuit close. Notre chaise de poste vient d'en prendre la baronne et ses filles et nous les escorterons à cheval jusqu'au château de Neuville, que mon père veut bien nous prêter. En effet, cela vaudrait beaucoup mieux, convint le jeune officier. Mais tu as donc dit à ton père ? Rien. Je lui ai demandé son château, sa voiture, ses chevaux, et il me les a donnés sans exiger aucune explication. Si donc tu trouves mon plan préférable au tien ? Assurément, mais cela change du tout au tout nos combinaisons, objecta Julien. Reste à savoir si Madame de Coissy voudra bien s'y prêter. Pourquoi non ? N'est-il pas à la fois plus sûr et plus convenable pour elle et ses filles d'accepter notre hospitalité que de descendre dans une auberge ? J'en conviens. Mais encore faut-il que je lui soumette ses propositions et qu'elle les accepte. Je te l'accorde. Va donc les lui communiquer et apporte-moi sur le champ sa réponse, car si elle consent à cet arrangement, il faut que j'envoie sur le champ un courrier à Neuville, afin que nous y trouvions en arrivant de quoi souper et de quoi coucher. C'est juste. Je retourne de ce pas chez la baronne et dans 1 heure je serai de retour. À ces mots, Julien disparut à la hâte. Jean attendit sans impatience. Peu lui importait après tout que Madame de Coissy accepta ou non le programme qu'il lui proposait. Ce qu'il en faisait, c'était pour obliger le comte et pas du tout la baronne, qu'il ne connaissait même pas de vue. Quant à Julien, il était facile de voir que le projet dont l'avait entretenu Jean lui souriait beaucoup plus que le premier. Il courut donc chez Madame de Coissy et lui fit part de la combinaison que Jean avait imaginée. À elle aussi, cette combinaison semblait bien préférable. Elle ne se retrancha donc pour y souscrire que derrière une question de délicatesse. Le jeune officier n'eut point de peine à triompher de ses scrupules. Il l'assura que Jean Michaud était son meilleur ami et qu'il avait la certitude de ne commettre aucune indiscrétion en agréant ses offres de service. Les Michaud étant d'ailleurs si riches, ajouta-t-il, qu'ils ne savent que faire de leur propriété et de leur argent. La baronne, qui avait souvent entendu parler du vif argent par le jeune comte, ne fit plus de difficultés pour se rendre à ses excellentes raisons. Elle déclara à Julien qu'elle le laissait libre de fixer l'heure du départ et de choisir la retraite qu'il leur destinait. Il revint aussitôt chez Jean pour lui en donner la nouvelle. Les deux amis convinrent de se trouver à 9 heures précises, à cheval et armés de pied en cap, dans la cour de l'hôtel de la baronne, devant la porte duquel la chaise de poste attendrait leurs ordres. À l'instant même, Jean expédia un courrier à Neuville pour que l'on fît les préparatifs nécessaires et donna ses ordres à l'écurie. Lui-même choisit sa plus solide épée, chargea et amorça ses pistolets, et plaça dans sa valise tout l'argent dont il disposait. Le soir venu, tout équipé, la poitrine couverte d'un pourpoint de buffle, chaussé de bottes solides, il fit ses adieux à son père, qui fut un peu surpris de le voir en semblable équipage. « Tudieu, mais on croirait que tu vas faire campagne !» s'écria-t-il. « Dame, vous savez, père, » dit Jean avec un sourire, « quand on part en voyage, on ne sait pas ce qui peut arriver. » Il paraissait du reste si gai, si enchanté de se mettre en route, que Michaud ne douta pas un instant qu'il s'agit d'une simple partie de plaisir. À l'heure précise, Jean pénétrait dans la cour de l'hôtel de la baronne, où Julien, plus impatient que lui, se trouvait déjà. Devant la porte, la chaise était rangée, attelée de deux vigoureux chevaux gris pommelés, habitués à courir la poste et conduits par le meilleur cocher de la maison. « Tiens, mon cheval, » dit Julien à Jean, « je vais chercher ces dames. » Quelques instants après, Jean les entendit en effet descendre l'escalier. Comme la nuit était venue, une femme de chambre les éclairait. Au moment où elle traversait la cour pour monter en voiture, Jean ne fut pas maître d'un cri d'étonnement. « Mais ce sont elles !» s'écria-t-il. En même temps, par un geste involontaire, il poussa son cheval en avant. « Eh bien, où vas-tu » cria Julien. « Veux-tu donc nous écraser ?» Jean s'arrêta court. « Non, » balbutia-t-il. « C'est mon cheval qui ne peut pas tenir en place. » Le jeune officier fit monter ses dames en voiture, revint se mettre en selle, se rangea derrière la chaise à côté de Jean et donna au cocher l'ordre de partir. 5 minutes après, le carrosse franchissait l'enceinte de Paris et s'engageait sur la route de Conflans. « Ainsi, » demanda tout à coup Jean, « la dame que nous accompagnons est bien la baronne de Coissy ?»« Mais oui, » répondit l'officier, « où diable as-tu la tête ?»« Et ces demoiselles sont ses deux filles. »« Oui, oui, trois fois oui, » dit Julien. « Et c'est la brune que tu aimes ?»« Valentine, oui. Ne t'ai-je pas dit son nom ?»« Mais l'autre, la blonde, comment s'appelle-t-elle »« André, ne t'ai-je pas aussi parlé d'elle ?»« Non, ou du moins tu n'avais jamais prononcé son nom, » répondit Jean. Et tout bas, il murmurait. « Elle se nomme André. »« Mais est-ce bien elle que j'ai vue ? Ne suis-je pas le jouet d'une ressemblance ? La pâle lumière qui l'éclairait ne m'a-t-elle pas trompé ? Bon, avant 2 heures, je saurais bien à quoi m'en tenir. » Aussi ne dit-il rien à Julien de la violente émotion qu'il venait d'éprouver.